Section 5. Chapitre 8 et chapitre 9. Chapitre 8. Réunion des frères. Kersak pressait le pas de son cheval. Il était tard. « Je suis resté trop longtemps chez cette pauvre femme, » se disait-il. « Je voyais que ma présence la consolait. C'est comme si elle avait eu Jean auprès d'elle. Pauvre mère. C'est pourtant terrible d'envoyer son enfant faire 120 lieues à pied, seul, presque sans argent, pour arriver à Paris, où tant de jeunes gens se perdent et meurent de faim. J'irai la consoler et lui parler de Jean quelquefois. C'est une charité. Et je donnerai de ses nouvelles à... « Imbécile que je suis, » s'écria-t-il, « j'ai oublié de demander à Jean son adresse. C'est-il bête? Où le trouver dans ce grand diable de Paris? La mère doit le savoir. Je le lui demanderai quand je la verrai. » Rassuré par cette pensée, il songea à ses affaires et calcula dans sa tête le gain de sa journée. Il était considérable. Et Jean et Jeannot, où étaient-ils? Que faisaient-ils? Ils étaient arrivés, vers 4 heures du matin, à Paris, reposés et enchantés. Descendus de wagon, ils ne savaient où aller. Il faisait encore nuit. Le chef de train, qui était bonhomme, les retrouva dans la salle des bagages, où ils avaient suivi les voyageurs, et leur demanda où ils allaient. « Jean, chez mon frère Simon, monsieur. Mais il est trop matin. Et puis, il ne nous attend que dans un mois. Et puis, nous ne savons pas le chemin. » Le chef de train, « Savez-vous où il demeure ? » Jean, « Oui, monsieur, rue Saint-Honoré, numéro 263. » Le chef de train, « Eh bien, restez ici jusqu'à 5 heures, et vous irez alors chez Simon. Mais comme vous ne trouveriez jamais votre chemin tout seul, voici 3 francs que m'a donné monsieur Kersak pour vous nourrir en route. Vous ne les avez pas dépensés, puisque vous avez vécu de vos provisions et bu de l'eau. Vous prendrez sur ces 3 francs 1 franc 50 centimes pour payer le fiacre dans lequel je vous ferai monter. À présent, j'ai affaire. Je vous quitte. Attendez-moi là. » Jean et Jeannot s'assirent sur une banquette. Jean s'amusait beaucoup à regarder les allants et les venants. Il remarquait tout et s'intéressait à tout. Jeannot bâillait et soupirait. « Jeannot, qu'allons-nous devenir, Jean, au milieu de tout ce bruit? Nous ne trouverons peut-être pas Simon. Alors où irons-nous? Que ferons-nous? » Jean, « Pourquoi donc ne trouverions-nous pas Simon, puisqu'il demeure rue Saint-Honoré, numéro 263 ?» Jeannot, « Mais si nous ne le trouvons pas ?» Jean, « Alors nous le chercherons. » Jeannot, « Où le chercherons-nous? À qui le demander ?» Jean, « Il se trouvera bien quelque brave homme qui nous aidera à le trouver. D'ailleurs, Jeannot, ce que tu dis là est ingrat pour le bon Dieu. Vois comme il nous a protégés, ce bon monsieur voleur qui nous donne de l'argent. » Jeannot, « À toi, pas à moi. » Jean, « Ce n'est-il pas la même chose? Tu sais bien que tant que j'en aurai, tu en auras. Après le bon monsieur, nous avons eu la chance de rencontrer cet autre brave monsieur Kersak, qui a fait pour nous comme aurait fait le bon Dieu. » Jeannot, « Oui, joliment, il m'a donné 2 coups de fouet. » Jean, « Bah, 2 petits coups de rien du tout, et c'était par bonté encore. » Jeannot, « Comment par bonté? Tu appelles ça bonté, toi ? » Jean, « Certainement, puisque c'était pour te rendre plus gentil. Et il y est arrivé tout de même, ce bon monsieur Kersak, qui nous fait faire 12 lieues, en carriole. » Jeannot, « Parce que ça l'amusait de causer. » Jean, « Pas du tout, ça ne l'amusait pas. C'était par bonté. Puis, il nous fait souper avec lui, déjeuner avec lui. Il paye notre coucher. » Jeannot, « Coucher, pas cher. De la paille, dans une écurie. » Jean, « Est-ce que nous avons si bien que ça chez nous? Puis, il nous paye notre voyage. Il nous fait arriver à Paris dans 24 heures au lieu de 30 jours. C'est à ne pas y croire. » Jeannot, « Oui, quant à ça, il n'y a rien à dire. C'est véritablement une bonne chose. Mais que ferons-nous si nous ne trouvons pas Simon ?» Jean, « Allons, voilà que tu vas recommencer la même histoire. Je te l'ai déjà dit, nous le chercherons et nous finirons bien par le trouver. » Jeannot n'avait pas l'air bien rassuré. Il recommençait à geindre lorsque le chef de train entra. « Vous voilà, c'est bien. Venez, suivez-moi. Vite, je suis pressé. » Il sortit précipitamment, suivi des enfants qui ne le quittaient pas des yeux, tant ils avaient peur de s'en trouver séparés. Ils arrivèrent à la place de la gare, sur le boulevard Montparnasse. Le chef de train les fit monter dans un petit fiacre et donna ordre au cocher de les mener rue Saint-Honoré, numéro 263. « Pour plus de précautions, donnez-moi votre numéro, » dit-il au cocher. S'il arrive quelque aventure aux enfants, c'est vous qui en serez responsable. Ainsi, gare à vous. » Le cocher. « Soyez tranquille, monsieur. Je les débarquerai sans accident, j'espère bien. Vous dites ?» Le chef de train. « Rue Saint-Honoré, numéro 263. » Le cocher remonta sur son siège. « Adieu, monsieur, et merci !» cria Jean au chef de train. Le fiacre s'ébranla et se mit en marche. Les enfants regardaient avec admiration. Tout leur paraissait magnifique, malgré l'heure matinale, le silence des rues, l'absence de mouvement. Quand la voiture arrêta devant le numéro 263 de la rue Saint-Honoré, ils croyaient être partis depuis quelques minutes seulement. « Allons, messieurs, descendez, nous voici arrivés, » dit le cocher en ouvrant la portière. Jean descendit, paya, comme le lui avait recommandé le chef de train, et ils se trouvèrent devant une porte fermée, ne sachant comment faire pour entrer. « Frappe à la porte, » dit Jeannot. Jean frappa, Jeannot frappa, la porte ne s'ouvrait pas. « Appelle !» dit Jeannot. « Simon !» cria Jean. « Simon, c'est nous ! Ouvre la porte !» Ils avaient beau crier, appeler, la porte ne s'ouvrait pas. « Qu'allons-nous devenir, mon Dieu ?» s'écria Jeannot, prêt à pleurer. « Jean, ne t'effraie donc pas, c'est qu'il dort encore. Attendons, il faudra bien qu'il s'éveille et qu'il nous ouvre. » Après avoir attendu 5 minutes, qui leur parurent 5 heures, ils recommencèrent à taper et à appeler Simon. Enfin, la porte s'entr'ouvrit. Un gros homme, à cheveux gris, passa la tête. « Quel diantre de tapage faites-vous donc là, vous autres? Ça a-t-il du bon sens d'éveiller le monde si matin? Que demandez-vous? Que voulez-vous? » « Jean, je vous demande bien pardon, monsieur. Nous ne voulions pas déranger. Nous appelions mon frère Simon, qui demeure ici. » Le portier. « Et comment voulez-vous qu'il vous entende, puisqu'il demeure au 5e ?» Jean. « Je ne savais pas, monsieur. « Je vous demande bien pardon. Nous attendrons si vous voulez, monsieur. » Le portier. « À présent que me voici éveillé et levé, je n'ai pas besoin que vous attendiez. Entrez et montez. » Le portier ouvrit, fit entrer Jean et Jeannot et referma la porte. « Au fond de la cour, l'escalier à droite, au 5e, » grommela le portier. Et il rentra dans le trou noir qui lui servait de chambre. Jean avait le cœur un peu serré. L'aspect sombre, sale et délabré de la cour et de la maison lui inspirait une certaine répugnance. Jeannot était consterné. Tous deux montèrent sans parler l'escalier qu'on leur avait indiqué. Ils montaient, montaient toujours. Arrivés au haut de l'escalier, ils virent 3 portes devant eux, à droite, à gauche, en face. « Frappe donc !» dit Jeannot. « Jean, où frapper? Comment faire ?» « J'ai peur de fâcher quelqu'un si je frappe à une autre porte qu'à celle de Simon. » Jeannot. « mon Dieu, qu'allons-nous devenir ?» recommença Jeannot de son ton larmoyant. Jean. « Ne t'effraie donc pas, je vais appeler. »« Simon, Simon » appela-t-il à mi-voix. Une porte s'ouvrit, un jeune homme s'y montra. « Simon !» s'écria Jean, et il se jeta à son cou. « Simon, c'est toi, Jean? Et toi, Jeannot? Dieu soit loué! « J'avais tant besoin de revoir quelqu'un du pays. Entrez, entrez, nous allons causer pendant que je m'habillerai. Je ne vous attendais pas si tôt. Maman avait écrit que vous seriez ici dans 1 mois. » « Jean, certainement, nous ne devions pas arriver avant, mais nous avons voyagé comme des princes, en voiture. Je te raconterai ça. » Ils entrèrent dans une petite chambre propre, claire et assez gaie, tout en furetant partout et en regardant Simon se débarbouiller et s'habiller. Jean et Jeannot lui donnèrent des nouvelles du pays et lui racontèrent toutes leurs aventures. Simon riant. « Il paraît que Jeannot n'a pas la chance. Et toi, Jean, je crois bien que c'est toi qui fais venir la chance, par ton caractère gai, ouvert et serviable. Tu as toujours été comme ça. Je me souviens que dans le pays, tout le monde t'aimait. » Quand ils eurent bien causé, bien ri, et qu'ils se furent embrassés plus de 10 fois, Jean demanda « Et que vas-tu faire de nous, Simon ?» « Tu ne vas pas nous garder à rien faire, je pense. »« Simon, non, non, sois tranquille. Vous êtes placé d'avance. Toi, Jean, tu entres comme garçon de café dans la maison où je suis. Et toi, Jeannot, tu vas entrer de suite chez un épicier. » Jeannot. « Tiens, pourquoi pas garçon de café comme Jean ?» Simon. « Parce qu'il n'y avait qu'une place de libre. Tout le monde ne peut pas faire le même travail. » Jeannot. « Serons-nous dans la même maison ?» Simon. « Non, Toi, Jeannot, tu seras tout près d'ici, dans la rue de Rivoli, et près de Jean, qui demeurera avec moi, dans cette maison où nous sommes en service. Jean. Quel service ferons-nous ? Simon. Le service d'un café. C'est un bon état, mais fatigant. Jean. En quoi fatigant ? Simon. Parce qu'il faut être actif, alerte, toujours sur pied, adroit pour ne rien briser, ni accrocher, ni répandre. Tu feras bien l'affaire, toi. Jeannot. Je l'aurais bien faite aussi ? Simon. Non, tu n'es pas assez vif, assez en train. Tu te serais fait renvoyer au bout de 8 jours. Jeannot ne dit plus rien, il prit son air boudeur. Simon. Ah ah ah, quelle figure tu fais ! Ça ferait bon effet dans un café. Toutes les pratiques se sauveraient pour ne plus revenir. Jeannot prit un air encore plus maussade. Simon leva les épaules en riant. Toujours le même, dit-il. Ah ça, voici bientôt 7 heures. Il faut descendre au café, Jean. Et toi, Jeannot, je vais te présenter à ton maître épicier. Sois bien poli et déride-toi, car l'épicier doit être gai et farceur par état. Simon tira un pain de son armoire, en coupa 3 grosses tranches, en donna une à Jean et à Jeannot et mit la 3e dans sa poche. Ils descendirent les 5 étages et entrèrent dans un café très propre, très joli. Jean et Jeannot restèrent ébahis devant les glaces, les chaises de velours, les tables sculptées, etc. Pendant qu'ils admiraient, Simon alla parler au maître du café et revint peu de temps après avec un morceau de fromage, des verres et une bouteille de vin. Il versa du vin dans les 3 verres. « Déjeunons, dit-il, avant que le monde arrive, et vite, car il y a de la besogne. Il faut tout nettoyer et ranger. » Chapitre 9. Début de Jeannot et de Monsieur Abel. Ils mangèrent et burent. Le déjeuner mit Jeannot en belle humeur et il se mit gaiement en route avec Simon et Jean pour commencer son service chez l'épicier. Le chemin ne fut pas long. 5 minutes après, il entrait dans le magasin. « Simon, ponds-toi, voici mon cousin Jeannot, le garçon que vous attendiez. Arrivé de ce matin, il est tout prêt à se mettre à la besogne. » « Ponds-toi. Bien, bien. Approche, mon garçon. Approche. Prends-moi ce bocal de cornichons et va le poser près du comptoir, là-bas. » « Jeannot. Où ce que c'est, monsieur ? » Ponts-toi, riant. « Bien parlé, mon ami. Le français le plus pur. Où ce que c'est ? Là-bas, sur le comptoir. » « Jeannot. Où ce que c'est, le comptoir ? » Ponts-toi. « En face de toi, Nigaud. Devant madame, qui est là, qui écrit. » Tout le monde riait. Jeannot, pas trop content, avance vers le comptoir, bute contre une caisse de pruneaux et tombe avec le bocal de cornichons. « Maladroit ! » crie Ponts-toi. « Maladroit ! » répète la dame du comptoir. « Maladroit !» s'écrient les garçons épiciers. « Malheureux !» s'écrie Simon. « Pauvre Jeannot !» s'écrie Jean en courant à lui. Jeannot s'était relevé, irrité et confus. Il avait eu du bonheur, le bocal ne s'était brisé que du haut, la moitié des cornichons était par terre, mais les garçons se précipitèrent pour les ramasser et il n'y en eut guère que le quart de perdu. « Ponts-toi. Dis donc, petit drôle !» Pour la première fois, passe. Mais une seconde fois, tu payes. J'ai promis à Simon que tu aurais 10 francs par mois, nourri, vêtu, logé, blanchi. Prends garde que les 10 francs ne filent à payer la casse. Qu'en dites-vous, Simon ? Mauvais début. Ça promet de l'agrément. Simon. Non, non, Ponts-toi, c'est l'embarras, la timidité. Il ne fallait pas lui faire transporter un bocal pour commencer. À revoir, je m'en vais, moi, avec mon débutant. Ponts-toi. Il est gentil, celui-ci. Dites donc, Simon, voulez-vous changer ? Reprenez l'autre et donnez-moi celui-ci. Simon. Non, non, Ponts-toi. Gardons chacun le nôtre. Celui-ci est mon frère. Jeannot est mon cousin. À revoir. Je viendrai demain savoir comment ça va. Courage, Jeannot. Ne te trouble pas pour si peu. À demain. Jeannot ne répondit pas. Il était mécontent de la différence que faisait Simon entre le frère et le cousin. Ponts-toi le mit de suite à l'ouvrage. Il lui fit porter un paquet d'épicerie à l'hôtel Meurice qui se trouvait à quelques portes plus loin et il le fit accompagner par un des garçons. Les premiers jours, Jeannot ne fit pas autre chose que des commissions et des courses avec les garçons qu'on envoyait dans tous les quartiers de Paris, de sorte qu'il commençait à connaître les rues et aussi les habitudes du commerce. Jean faisait de son côté l'apprentissage de garçon de café. Son intelligence, sa gaieté, sa bonne volonté, sa prévenance le mirent promptement dans les bonnes grâces des habitués du café. On aimait à le faire jaser, à se faire servir par lui, Il recevait souvent d'assez gros pourboires qu'il remettait fidèlement à Simon. Celui-ci était fier du succès de son frère. Tous deux, en rentrant le soir dans leur petite chambre, remerciaient Dieu de les avoir réunis. Jean était heureux. Ses seuls moments de tristesse étaient ceux où le souvenir de sa mère venait le troubler. Quelquefois, une larme mouillait ses yeux, mais il chassait bien vite cette pensée et il retrouvait son courage en regardant son frère si heureux de sa présence. Un jour, vers midi, un monsieur entra dans le café. « Une nouvelle pratique, » dit la dame du comptoir à Simon, qui se trouvait près d'elle. Simon regarda et vit un jeune homme de belle taille, de tournure élégante, qui examinait le café, les garçons, les habitués. Ses yeux s'arrêtèrent sur Simon avec un léger mouvement de surprise. Il s'assit à une petite table et appela « Garçon !» Un garçon s'empressa d'accourir. « Non, ce n'est pas vous, mon ami, que je demande. Je veux être servi par Simon. » Le garçon s'éloigna, un peu surpris, et avertit Simon qu'un monsieur le demandait. « Simon, monsieur me demande ? Qu'y a-t-il pour le service de monsieur ?» L'étranger. « Oui, Simon, c'est vous que j'ai demandé. Apportez-moi 2 côtelettes aux épinards et 9 frais. » Simon partit et revint un instant après, apportant les côtelettes demandées. « Simon, monsieur me connaît donc ?» L'étranger. « Très bien, mon ami. Simon Dutheck, fils de la veuve Hélène Dutheck. » Simon, surpris. « Pardon, monsieur, je ne me remets pas le nom de monsieur. » L'étranger. « Rien d'étonnant, Simon. Vous ne l'avez jamais entendu et vous ne m'avez jamais vu. » Simon. « Mais alors, comment ai-je l'honneur d'être connu de monsieur ?» L'étranger. « Ah, c'est mon secret. Je viens de votre pays. J'ai vu qui est rentré. » Simon fait un geste de surprise. « J'ai vu la bonne Hélène, et je veux voir mon petit ami, Jean. » Simon. « Mais, monsieur, veuillez m'expliquer. » Jean entrait à ce moment. Il apportait un potage et 9 frais à un habitué. L'étranger. « Le voilà, ma foi, le voilà. Sac à papier, comme il est déluré. Joli garçon, ma parole. Tais-toi, mon ami Simon, tais-toi. Amène-le de mon côté et dis-lui de m'apporter 1 bouteille de bière. » Simon, fort intrigué, donna à Jean l'ordre d'apporter de la bière à la table numéro 6. Jean apporta la bière, la posa sur la table, regarda le monsieur et poussa un cri. « Monsieur le voleur, quel bonheur, le voilà !» À ce cri, les garçons se retournèrent, la dame du comptoir répéta le cri de Jean, les habitués se levèrent, le plus résolu courut à la porte pour la garder. Simon resta stupéfait. Et Jean saisit la main du voleur qui se leva en riant aux éclats. « Très bien, mon petit Jean, c'est ce que j'attendais. Oui, messieurs, je suis, comme le dit Jean, un voleur, mais un voleur pour rire » ajouta-t-il en voyant les garçons et les habitués s'avancer vers lui avec des visages et des poings menaçants. « J'ai fait le voleur pour donner de la prudence à ces enfants qui comptaient leur argent sur la grande route, le long d'un bois. À propos, Jean, « où est donc le pleurard que je n'aimais pas, ton cousin Jeannot ?»« Jean, chez un épicier, ici à côté, monsieur, dans la rue de Rivoli. » L'étranger. « Un épicier ? Quelle chance ! Moi tout juste qui déteste les épiciers. Eh bien, Simon, me connais-tu maintenant ?» Simon. « Je crois bien, monsieur, sauf que je ne sais pas votre nom. Jean m'a tout conté, et je suis bien content de vous voir, monsieur. » Les habitués s'étaient remis à manger et les garçons à servir. Tous riaient plus ou moins de leur méprise. La dame du comptoir comptait son argent pour s'assurer que dans la bagarre, sa caisse n'avait subi aucun déficit. Rassurée sur ce point, elle écouta avec intérêt la conversation de Jean et de l'étranger. « Comment as-tu fait pour arriver si tôt ? » demanda M. Abel. « Vous deviez être 1 mois en route. » Jean. « Oui, monsieur, mais nous avons rencontré un excellent M. Kersac, fermier près de Sainte-Anne. » Il nous a menés en carriole jusqu'à Vannes, puis jusqu'à Malensac, puis il nous a payé nos places au chemin de fer jusqu'à Paris, de sorte que nous y étions avant vous, monsieur. » L'étranger souriant. « Et ce brave Kersac, avait-il pris goût pour Jeannot ?» Jean souriant. « Pas trop, monsieur. Ce pauvre Jeannot a continué à se lamenter de son guignon. » L'étranger. « Guignon ? Il devrait dire maussaderie, humeur. C'est étonnant comme ce pleurard me déplaît. « Pourquoi n'as-tu pas dit mon nom à Simon ?» Jean. « C'est que je ne le savais pas, monsieur. » L'étranger. « Comment ? Je l'avais écrit sur un papier que je t'ai mis dans ta bourse. » Jean. « Et moi qui ne l'ai pas vu, Il est vrai que je n'ai pas eu occasion d'ouvrir ma bourse depuis que je vous ai quitté, mais que je suis donc content de vous revoir, monsieur. Et où logez-vous donc ? L'étranger, à l'hôtel Meurice, à deux pas d'ici. Jean, tant mieux, nous nous verrons souvent. L'étranger, tous les matins, je viendrai déjeuner ici. L'étranger avait fini son repas. Il paya, donna à Jean une pièce de 20 sous en guise de pourboire, donna à Simon son nom et son adresse, Monsieur Abel, hôtel Meurice, et sortit. Il se dirigea vers la rue de Rivoli et marcha jusqu'à ce qu'il eût aperçu la boutique d'un épicier. Il y jeta un coup d'œil, reconnut Jeannot, continua son chemin, puis il revint sur ses pas, mit son chapeau en collin comme un Anglais, allongea sa figure, prit un air roide et compassé, marcha les pieds un peu en dedans, les genoux légèrement pliés, et entra chez l'épicier. Il resta immobile. « Pontois, monsieur veut quelque chose ?» Monsieur Abel, avec un accent anglais très prononcé et très solennel. « Hôtel Meurice ?» Pontois. « Hôtel Meurice, my lord. C'est ici près, my lord. Suivez les arcades. » Monsieur Abel, même accent. « Hôtel Meurice ?» Pontois. « Ici, monsieur, là, tout près d'ici, la 12e porte. » Monsieur Abel, de même. « Hôtel Meurice ?» Pontois. « Il ne comprend donc pas ou bien il est sourd ?»« Là, monsieur, là, vous voyez bien, là, là, devant vous. » Monsieur Abel. « Hôtel Meurice ?» Pontois. « Ces diables d'anglais, c'est bête comme tout. Ils ne comprennent même pas le français. Dis donc, Jeannot, mène-le à son hôtel Meurice, ce sera plutôt fait. » Jeannot sortit faisant signe à l'anglais de le suivre. L'anglais suivit. Aux questions que lui adressa Jeannot, il répondait avec le même flegme « Hôtel Meurice ?» Ils y arrivèrent promptement. L'anglais le dépassa, marchant droit devant lui. Jeannot courut après lui. Jeannot « Par ici, monsieur, par ici, vous l'avez dépassé. » Monsieur Abel « Hôtel Meurice ?» Jeannot « C'est ici votre hôtel Meurice. « Vous ne voyez donc pas, vous êtes en face, en plein, là, sous votre nez. » Monsieur Abel, reprenant sa voix naturelle. « Merci, épicier. » En même temps, il lui enfonça à deux mains sa casquette sur les yeux, de sorte qu'il put entrer à l'hôtel et disparaître avant que sa victime se fût dépêtrée de sa casquette. Jeannot regarda autour de lui et retourna à l'épicerie, fort en colère d'avoir été joué par un mauvais plaisant. Quand il rentra et qu'il conta son aventure, tout le monde se moqua de lui, ce qui ne lui rendit pas sa belle humeur. Il se trouva malheureux et mal partagé. Quand je pense à Jean, quelle différence entre lui et moi, comme sa position est agréable, et quel pourboire on lui donne. Et moi, personne ne me donne rien. Mon ouvrage est sale, désagréable et fatigant. Je suis bien malheureux. Rien ne me réussit. Jean et Simon ne voyaient pas souvent Jeannot, parce qu'ils avaient beaucoup à faire dans la journée. C'était la belle saison. Il faisait chaud. On venait déjeuner de bonne heure et prendre des rafraîchissements matin et soir jusqu'à 1 heure assez avancée. Ensuite, il fallait tout laver, essuyer, ranger. Souvent, à minuit, Simon n'était pas encore couché. Quant à Jean, vu sa grande jeunesse, Simon avait obtenu qu'on l'envoyât se coucher à 10 heures, de sorte que, sans être trop fatigué, il n'avait que bien rarement la possibilité d'aller voir Jeannot. Le dimanche, Simon et Jean se levaient de grand matin et allaient à la messe de 6 heures. Ils avaient proposé à Jeannot d'aller le prendre. Il les accompagna à la messe les premiers dimanches, puis il trouva que c'était trop matin. Il préférait dormir et aller à la messe de 10 heures, de midi, ou même pas du tout, de sorte qu'il vit de moins en moins Simon et Jean. Au café, il n'y a pas de dimanche pour les garçons. C'est au contraire le jour où il y a le plus à faire, le plus de monde à servir. Pourtant, Simon, ayant mis pour condition de son entrée et de celle de son frère qu'ils iraient à l'office du soir de 2 dimanches l'un, Jean y allait une fois et Simon la fois d'après. Cette condition demandée, presque imposée par Simon, avait d'abord surpris et mécontenté le maître du café. Mais en voyant le service régulier, consciencieux de Simon, ensuite de Jean, il prit les deux frères en grande estime. Il eut confiance en eux et il comprit que pour avoir des serviteurs honnêtes et sûrs, il était bon d'avoir des serviteurs chrétiens. En outre, Simon et Jean plaisaient beaucoup aux habitués et même aux allants et aux venants. Ils exécutaient les ordres qu'on leur donnait sans bruit, sans agitation. Chacun était servi comme il l'aimait comme ils le désiraient. Quelquefois, les habitués faisaient causer Jean, dont l'entrain, l'esprit et la bonne humeur excitaient la gaieté de ceux qui le questionnaient. Fin de la section 5.